Bonjour à tous, bienvenue dans la revue des Insiders, donc c'est l'épisode 2. Donc je suis toujours avec Ryan. Salut tout le monde. Et donc moi c'est Paul si vous ne me connaissez pas. Et donc aujourd'hui on vous a déniché un peu les actualités de la semaine et on va donc en parler avec vous directement sur l'application podcast, puisque maintenant le podcast est disponible sur l'application d'Apple, sur YouTube, sur SoundCloud et donc sur toutes les plateformes de podcast du monde entier. Voilà. Ouais, donc on a passé pas mal de temps quand ouais, même. Ouais, on a vraiment passé vraiment beaucoup de temps pour. En fait, c'était pas pour les autres plateformes, c'était surtout pour créer le flux RSS. Exactement. Et l'uploader sur iTunes, mais maintenant que c'est fait, tout est nickel. Exactement. Et donc, je remercierai donc plus tard l'abonné qui m'a permis de créer ce podcast. Donc, je vous retrouve son nom immédiatement. Il s'appelait Bati2A. Alors, merci beaucoup à toi. Pour le podcast, parce que c'est grâce à toi que les gens auront accès à l'application podcast, enfin notre podcast sur l'application podcast. C'est voilà, grâce à tes astuces, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de quoi ? Donc on va parler du Xiaomi. De quoi ? Un petit sommaire. Ah, le petit sommaire. Donc on va parler du Xiaomi Mix 2, le prochain smartphone de Xiaomi. Donc normalement, il sera plutôt esthétique. Voilà. Et ça, on en parlera plus après. Du futur service de VOD d'Apple. Voilà les petites rumeurs. De la Switch, qui est déjà sortie il y a pas mal de temps, mais elle se vend toujours très bien, on vous en parlera. Voilà. Ainsi que du nouveau forfait de Bouygues. Je sais pas si vous en avez parlé, mais voilà, nous, on a un avis plutôt partagé là-dessus. Ah. Et des fuites du Google. Du Galaxy Note 8. Voilà, du Galaxy Note 8. C'est pas bien. Bon, alors, on va commencer du coup par le Xiaomi. Designé par Stark, donc il a mis directement un aperçu donc sur sa page Facebook. Moi, il me paraît très esthétique, quand même, il est très joli. Le précédent, il avait pas l'air. Le précédent, en fin de compte, j'ai plus l'impression que tu vois. Le présent, c'est aussi designé par Stark. Hein. Ouais, mais il était pas. Enfin, je le trouvais pas magnifique. Et tu sais quoi trop grand. Là, j'ai l'impression qu'ils ont pris le Mix 1. Oui. Et qu'ils l'ont mixé, petit jeu de mots, voilà. Ouais. Avec le Galaxy S8. Mais genre vraiment. Ouais, non, mais tu trouves pas Ouais, de ouf. Voilà, c'est exactement ça. Sauf qu'il y a plus de bord en haut. En haut il y avait un bord avant. Ouais, sur le S8 il y a un bord. Ah non, mais je sais, sur le S8, mais sur le Mix 2 il y en avait pas. Voilà. Mais voilà, vraiment, ils ont. Les coins sont ronds, en bas c'est aussi arrondi pareil. Enfin, vraiment, c'est. Nickel. Ils ont pris le Mix 1 et ils l'ont mis à la sauce S8. Et voilà, même on dirait carrément une pub S8 quand on le regarde. Pas de ouf. Une box sur le début, je crois que c'était lui. Hein. Ouais, pareil. Et donc c'est Stark qui a publié directement sur sa page Facebook. Et voilà, donc on espère qu'il sera bien. Le seul point faible que j'ai trouvé pour l'instant, parce que je m'y connais pas beaucoup non plus dans ce téléphone. C'est la caméra qui est en bas, je trouve ça absolument pas pratique. Ouais, ça doit être chelou un peu parce que. Enfin, n'importe qui, tout ça, c'est pour prendre un selfie, tu prends ton téléphone, tu prends, voilà. Et ta main est très souvent, à mon avis, devant la caméra. Et même au niveau des angles et tout, il y a une raison pour que l'appareil photo soit en haut sur quasiment. Ouais, voilà. La prise en main doit pas être ouf, et en plus, pour l'angle, etc., ça doit être bizarre. Tu vas prendre un peu des selfies en contre-plongée. Ouais, c'est exactement ça en fait, ça fait bizarre, c'est-à-dire ce sera un peu bizarre. Enfin, moi personnellement ça m'attire, enfin ce téléphone m'attire pas énormément, mais il est très joli par contre. Voilà, c'est sur Android, je pense qu'il doit faire partie des plus jolis smartphones. Ouais, voilà, très joli, mais peut-être pas les plus pratiques. Voilà. Après, faut voir aussi au niveau de l'OS et de la puissance de l'appareil. Ouais, là ils en ont pas encore vraiment parlé, mais on s'attend quand même à quelque chose de pas mal de la part de Xiaomi. Ouais, bon, ça reste du chinois, donc c'est une interface très orientée chinoise, c'est-à-dire un peu comme Honor et tout ça, ça a rien à voir avec du Android pur. C'est ça, ça me gêne un peu. Mais sinon, je préfère Android pur personnellement. Voilà, exactement. En parlant d'Android pur, il y a Android O qui va être présenté le 21. Ouais. Donc normalement, ce sera le jour juste avant la sortie de ce podcast, je crois bien. Si on le sort le 22. À moins qu'on le sorte avant. À moins qu'on sorte avant. Pour l'instant, les dates, c'est un peu en freestyle. Voilà. On attend un peu, voilà. Mais donc, Android O qui va être présenté le 21, on parlera ça dans le prochain podcast. Ouais, là, on est samedi 19, du coup, pourquoi pas le sortir demain, vu que ce sera la fin de la semaine. On va scaler sur son rythme. Sur tous les dimanches. Ouais, tous les dimanches, c'est pas mal. Le samedi et passer le samedi dimanche. À moins qu'on en fasse deux par semaine. Enfin, je sais pas, c'est à voir. Et d'ailleurs, juste petite excuse, si vous entendez parfois des petits bruits de boutons sur. Genre, ça devrait plus se reproduire, mais. Parce que l'écran se met en veille. Parfois, l'écran se met en veille et du coup, on n'arrive pas trop à lire nos notes. Voilà. Donc, maintenant, on va parler du service d'Apple, donc des VOD. Donc, Apple qui en ce moment essaie de se lancer dans la vidéo quand même. D'ailleurs, on peut le voir par Carpool Karaoke qu'ils ont relancé. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une émission américaine où ils invitent des artistes dans une voiture et ils parlent, ils chantent, etc. Voilà. Ouais, c'était... Enfin, c'est une émission extrêmement populaire. Alors là, c'était vraiment ultra populaire. Là, je sais pas, au début, j'en entendais très souvent parler, là, depuis qu'ils ont racheté. Après, parce qu'il y en a plus sur YouTube. Ouais, il y en a pas eu qui sont sortis en fait. C'est voilà, c'est ça là. Le problème, c'est que je sais pas si ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, Paul Pour l'instant, apparemment, ça a pas le démarrage attendu. Escompté. Ouais. Mais à voir, hein, c'est le début. On sait pas encore. Mais du coup, bon, ils ont investi 1 milliard d'euros. Dans la VOD, donc ça peut paraître beaucoup, mais quand on regarde les chiffres de notamment Netflix, qui rien que cette année a investi 7 milliards d'euros, enfin, dollars, voilà. Dans le VOD, voilà. C'est pas beaucoup quand même, mais bon, bah, de toute façon, on va voir, hein. La VOD, vraiment tout le monde s'y met, c'est un truc qui fonctionne très bien. Il y a aussi le service d'Amazon, c'est Prime Video, je crois. Exactement. Et donc, notamment maintenant, il y a tout ce qui est Disney, etc. Exactement. Century 21, ça va aussi se retirer de Netflix pour lancer leur propre service. Du coup, c'est quelque chose va... qui marche très bien, voilà. La VOD. Ouais. Bah, Paul, par exemple, toi, tu es abonné à Netflix. Ouais, moi, avant, j'ai été abonné. Bien. Mais ce que je trouve un peu galère, c'est que du coup, là, on va commencer à. Là, de Netflix est monopole. Beaucoup, hein. Ouais. Mais maintenant, on va devoir se taper des dizaines d'abonnements à limite pour avoir tout accès. Ça, c'est tout. Le problème aussi. Donc, du coup, il va quand même rester. Le streaming existera toujours. Hein, voilà. Mais sinon, je pense que pour l'instant, Netflix, c'est vraiment la meilleure chose parce que c'est vraiment. Global, t'as accès à tout, t'as plein, énormément de choses, énormément ouais, de choix. Pas mal de films, les séries sont très bonnes dessus, il voilà. Y a des séries originales aussi, pas mal. Après, franchement, ouais, les séries Netflix sont vraiment de bonne qualité, donc voilà. Après, il y a quoi ? Il y a aussi OCS, mais c'est pas de la VOD, ouais, c'est ouais. Plus pour les séries. Enfin, il y a beaucoup, je trouve. En fait, le problème, c'est que comme tu disais, avec le temps, on se retrouve à avoir vraiment soit on passe par du streaming, c'est à peu près ce que je fais souvent, soit avoir vraiment beaucoup d'abonnements. Exactement. Ça, c'est pas ouf, mais pour l'instant, voilà. Si le service est bon derrière, voilà, c'est bien. Exactement. Donc, on verra ce que ça donne du côté Apple, mais à mon avis, ça mérite. À mon avis, ils auront des séries qui seront plutôt haut de gamme. Bah, je pense qu'ils vont faire un peu comme ils ont fait sur le monde de la musique, c'est-à-dire qu'ils ont introduit Apple Music en tant qu'outsider. Très en retard et tout. Comme l'Apple Watch en soi aussi. Comme l'Apple Watch, et on voit qu'à la fin, bah, sont pas les. Je sais pas si en musique sont les leaders, mais en tout cas, c'est personnellement. Ça se débrouille très bien. Hein. Ce que j'utilise tout le temps. Moi aussi. Il y a beaucoup d'artistes en partenariat avec Apple. Ouais, exactement. Donc ça, c'est pas mal du tout. Juste petit aparté, sinon là, on est où ? On est à Nice. Ah oui, bah on est en vacances. Sur la terrasse de mon appartement, c'est très agréable, ouais. C'est très joli, donc normalement ce sera la miniature du podcast. Voilà. On enregistre le soir, il est 21h30. Ouais, nous c'est vraiment posé, donc très agréable. Et voilà, donc vous verrez la petite photo, c'est très sympa la vue. Voilà, donc maintenant on va parler de la Switch. D'ailleurs, juste petit avant, j'ai pris part de vos retours, vous trouvez ça trop long pour la plupart. Moi, je dis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter les podcasts, je vous le rappelle, un podcast, c'est pas une vidéo, c'est plus facile à écouter. Sur YouTube, c'est clair que c'est long, mais une application podcast, c'est plus posé, c'est plus facile à écouter, vous n'avez pas de vidéo à regarder, vous pouvez faire autre chose, hein. Vous pouvez faire un café, vous pouvez dormir, vous pouvez jouer, vous pouvez faire plein de trucs. Donc finalement, la durée, c'est pas un problème, je trouve. Bah, je pense que les gens qui ont vu que c'était un peu long... C'est comme tu dis, sur YouTube, ils ont dû regarder une image exactement. Fixe, donc c'était un peu ennuyeux. Après, peut-être qu'ils pouvaient plein d'autres choses sur leur page. Tout. Sur mobile, ça, c'est le problème, c'est que c'était pas possible. Ouais, ça les force à être sur exactement. YouTube. Mais je pense que vu qu'on s'implémente un peu mieux sur les plateformes de podcast, ça va se régler facilement. Après, sur YouTube, ce qu'ils font énormément, c'est que souvent, quand c'est trop long, ils mettent les caméras, enfin, ils font du face commentary un peu. Ouais, mettre ça en vidéo. Bon. Je suis pas non plus ultra fan, mais donc j'aime bien, c'est que de l'audio. Ouais, on va essayer de faire un truc pas trop long, pas trop court. Voilà. Donc entre 10 et 30 minutes, je dirais. Ouais. Là, on est déjà à 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Voilà. Ouais, mais de toute façon, ça va durer plus longtemps. Là. Donc, maintenant, on va parler du coup de la Switch. Et l'info de la Switch de la semaine, alors, c'est qu'elle a dépassé, vas-y, je te laisse. Elle a dépassé aux États-Unis les ventes de PS4. Donc ça, c'est aux États-Unis les ventes de PS4 qu'on sont pas très souvent... sont beaucoup. Bon. Ouais, elles sont beaucoup, mais la Xbox One se vend mieux aux États-Unis. Bah, c'est un produit américain. Tu es sûr que ça se vend mieux en ce moment ? Ça s'est vendu mieux, mais pendant les périodes de fêtes, ça se vend toujours mieux la Xbox que les PS4. La PS4 est restée quand même pendant plusieurs années toujours à Xbox. Mais bon, enfin voilà, c'est quand même plutôt impressionnant que la Switch, batte la PS4. Battre la PS4 et la Xbox One. Parce que le fameux flop de la Wii U quand même. Ah, on est loin du flop de la Wii U. Ils ont réglé tous les problèmes de la Wii U, c'est-à-dire déjà un marketing ultra mauvais. Ouais. Hein, sur la Wii U, c'était n'importe quoi. Les gens savaient plus si c'était une Wii ou un accessoire. Enfin, c'était un peu n'importe quoi pour ça. Ils ont réglé aussi l'autre gros problème, c'est les jeux qui sortaient de manière assez aléatoire. Alors que là, ce qu'ils ont fait, ce qui est très intelligent, c'est qu'ils ont gardé beaucoup de jeux sous la main. Ouais. Et ils en sortent un à peu près tous les 2 mois. Exactement. Et justement, on en vient là, c'est que les jeux sont bons. Ouais, ils sont très bons. Franchement, ouais, ils mettent des bons jeux. C'est des jeux qu'on retrouve nulle part d'autre, donc c'est une console qui vaut le coup. Et donc pour beaucoup de gens, ça, c'est la meilleure console parce que c'est vraiment celle qu'on peut emporter partout, qui propose des très bons jeux. Voilà, et qui change de... en plus, enfin plus maintenant, mais qui est quand même pas très cher, je veux dire. Ouais, puis elle change énormément des autres consoles qui sont un peu des PC de nos jours. Là, c'est vraiment, ouais, des PC, on revient un peu moins cher, voilà, au jeu et à la philosophie Nintendo d'être différent, d'être familial, d'être un peu féerique. Exactement, contrairement à la Wii U qui avait essayé plutôt de se proposer. Enfin, un peu de se professionnaliser quand même. Enfin, ouais, de se. Ouais, c'est, on a vu que c'était une mauvaise voie. Voilà. Et voilà. Donc là, vraiment, c'est un très bon point pour Nintendo. Du coup, ça nous arrange parce que pour ceux qui ont la Switch, parce qu'on est sûr d'avoir des jeux, pas comme sur nos amis de la Wii U. Voilà. Tiens, bah, en parlant des ventes, on peut dire qu'aussi, là, en ce moment, en termes de ventes de tous les jeux vidéo, bon, il n'y en a pas des masses qui sont sortis, mais Splatoon 2 est en tête de toutes les ventes. Donc c'est encore un exemple qui montre que la Switch vend très bien. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment un bon point. D'ailleurs, je vais me l'acheter, je pense. Parce que c'est quand même, apparemment, je crois que c'est un bon jeu. J'ai jamais joué à Splatoon, Splatoon 2, oui, très pas. J'avais très Blob, deux Blob, tu connais ou pas? Deux Blob. C'était cool. J'avais sur Wii. C'était la même. Avec les petites boules de couleurs. Ouais. Ouais. C'était cool un peu. Voilà. Bon, alors maintenant, on va parler du nouveau forfait de Bouygues. Alors, si vous n'êtes pas au courant, et Bouygues propose pour 10€ par mois un forfait de 30Go. T'appuies sur l'écran là? Oui. Ok, ok. Ouais, Bouygues propose un forfait. Il faut proposer un forfait à 30Go à 10€ par mois, mais c'est pas, tu sais, vous savez, en ce moment il y a beaucoup, tous les ans il y a des offres genre pendant 12 mois vous avez un forfait. Là c'est en illimité, pas 12 mois, c'est tout le temps, sauf que parce que ça paraît bien quand même, 30Go pour 30€. Oui, bah 30Go pour 10€ par mois, c'est plutôt concurrentiel. Sauf que ça se base sur le mais c'est que c'est limité à 2 mégabits seconde en 4G. Et ça c'est vraiment le gros couac, hein. Ouais, c'est à dire qu'en fait vous pourrez pas faire charger de vidéo, vous pourrez pas faire charger des images. C'est surtout beaucoup, que 2 mégas, très long, c'est très peu. 2 mégas en 4G, c'est même pas un équivalent 4G, c'est un équivalent 3G. C'est que dalle. Voilà. C'est un peu mentir pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on lui dit tu peux t'as 2 mégas en 4G, sauf que s'il est en 3G, c'est pareil, voire même limite rapide s'il a 5 mégas. Ouais, ce que j'espère, c'est que vu que Bouygues s'y met, j'espère que Orange, SFR, etc. vont pas suivre. Voilà. Et proposer la même chose et à force anéantir ce qu'ils font en ce moment, c'est-à-dire des trucs genre 50Go pour 10€ par mois, 4€ par mois, pendant 12 mois, tu vois, ça je trouve ça très bien. Bah oui, c'est non, c'est franchement, très je trouve ça très bien. Bah, on va voir si les gens s'abonnent à ce forfait. Hein. De toute façon, Bouygues, si personne ne s'abonne, ils vont te supprimer. Ouais, ça j'espère que ça va pas prendre place par rapport aux autres forfaits qui sont très bien. Voilà. Ensuite, donc on va parler maintenant pour finir du Galaxy Note 8. Les fuites, le Samsung a fait fuiter, volontairement ou non, je ne sais pas, sur son site, les images du Galaxy Note 8, donc très joli, je trouve. Ah oui, non mais. Qui aura donc un double capteur, etc. C'est un peu le même design que le S8, hein. Ouais. On se base sur une ligne plutôt logique. On prend le S7, on le met beaucoup plus borderless. Voilà, ouais, et on met des bords ronds au niveau de l'écran, des coins ronds au niveau de l'écran, et on obtient le S8. Ce que j'espère, c'est qu'ils arriveront à se rattraper de leur, Note 8. De leur flop du Note 7, hein, de la très très gros bad buzz. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est quand même qu'ils aient gardé le même nom. Parce que pour tout le monde, même mon papy, il savait. Hein, je lui ai dit Samsung, il a dit « Ah, c'est le truc qui explose, d'accord ?» Ah, tu penses que le fait de l'appeler Note 8, c'est ça comme va... avoir appelé genre Call of Duty Ghost 2, tu vois. Je trouve que c'est pas une bonne idée, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, c'est si, marketing, si, c'est pas un... Ouais, mais c'est le problème, c'est que c'est une gamme qui est bien ancrée dans la marque et... Enfin, c'est quelque chose de logique. C'était Note, Ouais. C'est logique. Le Note, c'est le fameux téléphone avec le stylo. Enfin, ouais, ça me paraît très bizarre d'un côté qu'il change de nom. C'est comme peut-être, les Galaxy S. Galaxy Pro ou un truc comme ça, tu sais, genre... Ah, tu penses genre peut-être un Galaxy S8 Pro? Ouais, je pense un truc comme ça, tu vois, genre avec un stylet. Parce que Note, je trouve pas que ce soit une bonne idée de... Marketingement, c'est pas bon, mais c'est logique. C'est comme si, c'est comme si Call of Duty avait appelé leur nouveau Call of Duty Ghost 2. Tout le monde a détesté Call of Duty Ghost, et comme s'il avait deux, genre ça aurait fait un flop énorme. Bon, même si ça m'a pas Call of Duty Ghost 2, il a quand même fait un flop. Mais bon, c'est pas très grave. J'espère que le prochain sera mieux. Mais voilà, du coup, le Galaxy Note 8, on espère qu'il explosera pas, hein, et qu'il sera bien, parce que en vrai, c'est quand même un bon téléphone. Alors, bah tiens, Paul. Oui. En parlant de c'est un bon téléphone, si tu veux, là, je viens de trouver un article plutôt intéressant où ça donne les choses plus abouties dessus. Donc, on serait sur un écran 2,5D, ça, comme d'habitude, ce serait du 5,7 pouces en QHD. Très bonne qualité, du 515 pixels par pouce. Voilà, donc très bien. HDR. Ouais. Alors, ça, c'est très bon. Ça, c'est bien, ouais. AMOLED. Comme d'habitude. Ouais, il serait AMOLED aussi, donc bah là encore, c'est... Ah non, il serait 6,3. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, bon, c'est les Parce Renault qu'il y après. a... Ah non, il y a peut-être deux modèles. Ouais, c'est bizarre. Bah, ouais, c'est un peu chelou. Deux modèles de notes, c'est bizarre. Hein. Ouais. Mais après, bah, la puissance serait toujours plus puissante qu'un S8. Donc, ouais, bon, voilà, bon, normal. Bon, c'est très très bon. On serait ouais, sur pour du plus de 4 ou du puissance, 6 Go de RAM, ouais, c'est plus de batterie, énorme. plus de RAM, voilà. L'appareil photo. Même que S8 ou mieux? Alors, tu vois, le double appareil photo, ce serait un grand angle RGB et un 13 mégapixels. Et en fin de compte, le deuxième appareil photo serait pas comme sur l'iPhone 8, mais là, ce serait plus comme sur les. C'est quoi? C'est sur les Huawei. Ce serait un Ah, monochrome. monochrome, ouais, pour faire des photos en noir et blc en très bonne qualité. Exactement. Ouais. Bon, c'est Bah, plutôt pas mal. Après, je prends jamais ouais. de photos en noir et blanc. Moi non plus, donc voilà, mais pour ceux qui... Ah ouais, c'est pas stylé quand même. Ah, mais c'est du très très beau noir et Ouais, parce blanc. que bon, moi, je préfère avoir le zoom de l'iPhone, c'est plus pratique, je trouve. Hein. Ouais. Mais c'est clair que le monochrome aussi, c'est joli. Mais voilà. Bon. Et sinon, tu voulais qu'on parle aussi de l'iPhone SE. Tu l'avais Ah, dit. de l'iPhone SE, bah en ce moment, Tu il y a voulais parler. plusieurs rumeurs qui tournent sur le fait que Apple sortirait encore une fois un nouvel iPhone SE. Donc le fait qu'ils aient dit à l'époque que c'était quelque chose d'exceptionnel et tout ça, bah je pense qu'au vu des ventes qu'il a fait, parce qu'il Je se pense vend qu'ils ouais, extrêmement bien, je pense qu'ils vont en refaire un. on pense très largement qu'ils vont en refaire un. Et l'iPhone Après, SE, la taille, à mon avis, ça va se faire de 4 pouces. tu penses que ça restera 4 pouces toi? Je pense que c'est ce qui fait différencier l'iPhone SE, c'est pour ça qu'il a marché, c'est parce que les gens voulaient un petit téléphone. Moi je pense que c'est le prix en fin de compte. Le prix et la taille. Il y en a beaucoup, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont acheté, surtout pour la taille. Parce que si tu en manières, les étudiants, les gens qui, enfin, même pour moi, toujours ma classe, etc., qui voulaient un iPhone, ils n'ont pas acheté de SE, ils ont acheté un 6 ou un T. Ouais, mais le 6 valait pas le coup par rapport au S. Non, mais ils ont quand même acheté le 6 parce qu'ils préfèrent, à mon avis, avoir une plus grande taille d'écran, etc. Ou voilà, tu vois. Dans la même gamme de prix, ils ont préféré prendre un 6 qu'un SE. Alors pourtant, le SE est mieux. Bah oui. Mais voilà, donc je pense que c'est surtout pour la taille que les gens achètent le SE. Et pour le prix, moins. Toi, tu l'as acheté pour le prix? Moi j'ai plus acheté pour le prix. Ouais. Et parce que c'était le pro. Parce que. Enfin, j'ai acheté pour le prix et aussi pour le fait qu'il soit ultra moderne. C'est-à-dire Ouais, que voilà. il y a des iPhones qui coûtaient pas cher, mais c'était des vieux. Ouais. Alors que lui, il avait les caractéristiques du dernier, donc je me suis dit autant sauter sur l'occasion. Ouais, t'as bien raison. J'ai au côté right. Et aussi, il y avait quelque chose de. Mince, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'iPhone SE? On va aller en refaire un, que peut-être 5 pouces, je sais pas, enfin. Non, mais Borderless, moi disons. personnellement, je préférais aussi qu'ils changent le design et qu'ils prennent le design au moins du 6. Ouais. Enfin, qu'ils fassent tout le temps, en fin de compte, on prend l'ancien design et on met les caractéristiques et les composants du nouveau. Voilà, ça me plairait plutôt Ouais. pas mal. Ouais, non, mais ouais, ouais, donc je sais pas ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter sur YouTube, sur SoundCloud, etc. Ah, et aussi, je voulais dire, voilà, je viens de me rappeler, Ouais. que bah faut pas oublier que l'iPhone SE, c'est actuellement l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. C'est-à-dire Oui, qu'il se base à un clairement. prix en dessous de 400 euros, à 32 Go, avec un très bon appareil photo vraiment excellent. Un écran, on voit pas les pixels, Touch ID, tout ça qui fonctionne très bien. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'était l'un des meilleurs rapports qualité-prix, et ce qui est plutôt rare de la part d'Apple. Ouais, c'est bizarre ça, ouais. Mais Voilà. voilà. Et donc, comme je disais, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez commenter et parler de dire votre avis sur tout ça, tout ce qu'on a dit. Sur SoundCloud, vous pouvez aussi commenter, retweeter, enfin, ouais, reposter, etc. Voilà. Et sur podcast, vous pouvez noter le podcast, c'est très important, et le partager surtout au maximum parce que, Bah, c'est la seule façon de se faire ouais, connaître voilà, hein, parce que sur podcast, c'est podcast. très compliqué de se faire connaître. Et donc, on compte sur vous pour partager à vos potes qui aiment la high-tech. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à noter le podcast, comme j'ai dit, et comme ça, on essaie de le faire monter en top, podcast high-tech. Puisque en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Non, on a cherché, il n'y en avait pas beaucoup. Après, vu comme c'est compliqué d'uploader un Ouais, podcast, on c'est comprend qu'il n'y en ait pas extrêmement dur. beaucoup. Hein. Exactement. Mais maintenant, bon, maintenant, je vais faire. Oui, et maintenant, Mais ça on va a quand même prendre l'habitude. chaud quand même. Hein. Ouais. Voilà. Mais bon, du coup, on espère que ça vous a plu. On donne rendez-vous là une prochaine fois. Et aussi, bah, si vous voulez participer au podcast de manière indirecte, vous pouvez proposer des sujets dans les commentaires. Ouais, voilà. On pourra Jusqu'à ce vous qu'on crée notre citer groupe. exactement parce qu'on a le projet de créer un groupe. Voilà, donc Donc ça en va attendant, arriver postez bientôt. des idées dans les commentaires et si vous voulez, on pourra parler En parler dessus et exactement. voilà. Mais quand le groupe Facebook sera là, vous aurez plus Ce besoin, sera vous encore plus pourrez aller simple. dessus parce que vous pouvez partager directement des articles, etc. Ce sera très pratique. Et voilà, donc en attendant, on vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Donc est-ce qu'il y en aura un par semaine ou deux? On sait pas encore. On C'est vraiment en verra. réflexion, hein. On remarque. Enfin, en fait, on essaye de pouvoir tenir un rythme. Oui. On sait pas encore pour l'instant, on fait ça un peu en mode freestyle pour l'instant. Mais bon, on espère qu'on arrivera quand même à se baser sur un rythme. Et voilà, donc on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, Bonne nuit, voilà, bonne n'importe nuit quoi. exactement. Et bah à la prochaine fois. Salut! Salut!